banda na matata, ata neleba kotikala na soni. Ato lingani, ebongi tozala, tomoda beba na mama. Manguna beba nima, oebi iti lelo yo, olibo, malinga kate tobalana. Bueno.